بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس الثالث في الشرح والتعليق على أبواب من أبواب الصيام مختارة من الكتاب المبارك رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. Bienvenue aux chers frères et sœurs pour ce troisième cours dans l'explication et le commentaire de certains chapitres liés au jeûne tirés du livre Riyad al-Salihin du très connu Al-Hafidh Al-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Wa ma'ana babun min al-abwab al-muhimma. Ce soir on verra un chapitre très important. L'auteur qui nous dit rahimahullah bab al judi wa fi'l al ma'ruf wal ikthar min al khair fi shahr ramadan wa ziyadati min dhalika fi al ashr al awakhir minhu. Et donc il nous dit l'auteur rahimahullah le sous-chapitre concernant la générosité et le fait de faire le bien et le fait de faire le bien et d'accroître le bien pendant le mois de Ramadan. Et le fait d'accroître cela et d'augmenter cela encore plus pendant les 10 dernières nuits de celui-ci. فذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديثين دلين على الإكثار من الخير في رمضان. Et donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous cite dans ce chapitre deux hadiths qui montrent l'importance de faire du bien et d'accroître cela pendant le mois de Ramadan. Le premier hadith, il nous dit an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril wa kana jibril yalqahu fi kulli laylatin min ramadan fayudarisuhu al-quran fala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina yalqahu jibril ajwad bil khair min ar-rih al-mursala muttafaqun alayh. Et donc il nous dit l'auteur rahimahullah selon Ibn Abbas radiallahu anhuma qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Et il était le plus généreux que possible durant Ramadan lorsque Jibril le rencontrait. Et Jibril le rencontrait durant chaque nuit de Ramadan et lui enseignait le Coran. Et certes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque Jibril le rencontrait était plus généreux dans le bien que Ar-Rih Al-Mursala, le vent qui a été envoyé. Ce qui veut dire, ce qui est voulu par là, c'est le vent qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a envoyé. C'est un vent fort. Et donc le prophète, il se précipitait à faire le bien. Hadith Muttafaqun Alayh, donc rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Fakana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était donc le plus généreux des hommes. Al-Judu. قال أهل العلم هو بذل المحبوب من المال أو عمل. الجود, ce que j'ai traduit par la générosité, c'est le fait de dépenser ce qu'on aime, tel que l'argent, donc les biens, ou les œuvres, le fait d'agir. فالإنسان يجود بماله وعمله. Et donc l'être humain va être généreux par ses biens et par ses œuvres. يُسَعِدُ النَّاسِ فِي مَا يَحْتَجُونَ إِلَيْهِ. Il va les aider dans ce dont ils ont besoin. قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّهُ الْعَطَاءُ أي إِعْطَاءُ مَا يَنْبَغِي إِلَى مَنْ يَنْبَغِي وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الصَّدَقَةِ. Certains savants, et certes Ibn Hajar rahimahullah qui a cité cela dans Fath al-Bari, et certains savants ils disent que Al-Jud, ce que j'ai traduit encore une fois donc par la générosité, Al-Jud, c'est en fait le fait de donner ce qui convient à ceux à qui cela convient. Donc c'est le fait de donner ce qui convient aux ayants droit en fait. Et il nous dit, Nuhajar, et donc cela est plus général que As-Sadaqa, que l'aumône. Oui, c'est plus général. Pourquoi ? Parce que ça englobe aussi les actes. Et même plus encore. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وذلك بماله وبدنه وعمله ودعوته ونصيحته صلى الله عليه وسلم. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Et ceci par ses biens, par son corps, par ses œuvres, par sa da'wa, son prêche, et aussi par sa sincérité sallallahu alayhi wa sallam. Et certes Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit les qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Certes, vous avez dans le messager d'Allah un exemple, un très bon exemple à suivre pour ceux qui espèrent la rencontre d'Allah et du jour dernier et qui font beaucoup le rappel d'Allah. وبعض الناس للأسف تتعلق قلوبهم بأمواله. Et certaines personnes, malheureusement, leurs biens, ou du moins leurs cœurs, sont attachés à leurs biens, à leur argent. Ils ont du mal à dépenser. وبعض الناس لا يفكرون إلا في أنفسهم. Certaines personnes ne pensent qu'à eux-mêmes. فلا يهتمون بخدمة الآخرين. Le fait de rendre service aux autres ne leur importe pas. Certains, tu les vois concentrés, moi je me concentre dans mon adoration, ma lecture, si, etc. Mais il oublie que notre religion, هذا الدين, الكامل, يحثنا على العبادة وكذلك يحثنا على خدمة الآخرين ومساعدتهم. Et cette personne, elle oublie que cette religion parfaite, complète, elle nous appelle à l'adoration, mais elle nous appelle aussi à rendre service aux autres. Même rendre service aux animaux. Rappelez-vous, cette femme qui était une prostituée qui a été pardonnée parce qu'elle a abreuvé un chien. Parce qu'elle a abreuvé un chien qui avait soif. Et donc il est important qu'on prenne conscience de l'importance du fait de rendre service aux autres. وينبغي أن يعلم أيضا أيها الإخوة أن هذا في رمضان وكذلك في غير رمضان. Il est important de savoir, ô chers frères, que ce comportement doit être comme tel pendant le mois de Ramadan, mais aussi pendant les autres mois. Ce n'est pas que pendant Ramadan. Ce n'est pas que pendant Ramadan. Et certes, celui qui est avare, qui ne va pas aider les autres, qui ne va pas dépenser pour les autres, il se fait injustice à lui-même. Il se fait injustice à lui-même. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمِنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَلَى نَفْسِ. Il y a parmi vous ceux qui sont avares, qui font preuve d'avarice. Et celui qui est avare envers lui-même. Il est avare envers lui-même. Il se fait du mal à lui-même. Ensuite, il nous dit Ibn Abbas radiallahu anhuma وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ. Et certes, il était le plus généreux que possible pendant Ramadan. وَهَذَا الْكَلَامُ أَيُّوَ الْإِخْوَةِ يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ قَلِيلٍ. Et cette parole d'Ibn Abbas radiallahu anhuma va confirmer, va appuyer ce qu'on a dit précédemment. Qu'avons-nous dit? نَحْنُ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا الْخُلُقَ الطَّيِّبَ النَّافِعَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي رَمَضَانَ وَفِي غَيْرِ رَمَضَانَ. On a dit que ce comportement, ce bon comportement, profitable, la personne doit agir ainsi, doit faire preuve de générosité pendant Ramadan, mais aussi pendant les autres mois. Ibn Abbas qui nous dit qu'il était le plus généreux que possible pendant Ramadan. Ça veut dire qu'en dehors de Ramadan aussi, il était généreux, mais que pendant Ramadan, il était encore plus généreux. فَأَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا يَنْبَغِي أن تكون ذا خلق حسن في رمضان فحسب. Et donc, ô toi, ô serviteur d'Allah, il n'est pas convenable que tu aies un bon comportement seulement pendant Ramadan. Il n'est pas convenable que tu aies un bon comportement seulement pendant Ramadan. وذكر ابن حجر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود في رمضان أجود ما يكون في رمضان لأن الله تعالى كثير العطاء والفضل على عباده. Et donc Ibn Hajar rahimahullah, il a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus généreux que possible pendant le mois de Ramadan, parce que Allah tabaraka wa ta'ala, pendant ce mois-là, durant ce mois-ci, il accorde beaucoup et fait beaucoup de grâce à ses serviteurs. Comme on l'a vu lors des cours précédents, Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite énormément pendant ce mois. Il nous facilite énormément pendant ce mois. parmi les facilités que nous avons, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man, donc celui qui va jeûner le mois entier de Ramadan, thumma adba'u sittan min Shawwal, ka'annama sawma ad-dahr. Et donc celui qui va jeûner le mois de Ramadan et qui fait suivre cela des 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il aura jeûné toute l'année. Ceci fait partie des grands bienfaits. Parmi le mois de Ramadan, nous avons Laylat al-Qadr. L'amalu fiha khayrun min alf shahr. Le fait d'œuvrer pendant la nuit du destin, cela est meilleur. Ses œuvres sont meilleures que la récompense liée à ses œuvres sont meilleures que 1000 mois. Ceci est un grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala accorde beaucoup de ses biens aux serviteurs pendant ce mois-ci. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi faisait preuve de générosité énorme pendant ce mois. وَهَكَذَا الْعِبَادُ الْمُوَفَّقُونَ. Et aussi, les serviteurs à qui la réussite est accordée, eux aussi vont faire preuve d'énorme générosité pendant ce mois béni. وَالْجُودُ أَيُّوَ الْإِخْوَ لَا يَخْتَصُ بِالْغَنِيِّ. Il est important de savoir, ô chers frères, que la générosité ne concerne pas que les riches. فَلَا يُقَلْ لَسْتُ ذَمَالِينَ. Et donc on ne peut pas dire je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas être généreux ou autre. Là, al-jud la yakhtassu bil-mal. Le terme al-jud que j'ai traduit par la générosité, cela ne concerne pas que l'argent. Mais tu peux aussi aider tes frères avec ton temps, avec ta science. Tu peux les aider avec ton corps, avec tes connaissances. Et donc, rendre service aux gens. Tout cela fait partie de Al-Jud. Ensuite, il nous dit Abbas radhiyallahu anhuma wa kana Jibril yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Jibril le rencontrait pendant toutes les nuits de Ramadan et lui enseignait le Coran. هذا يدلنا ايها الاخوه على اهميه مدارسه القران في هذا الشهر وفي ليالي رمضان. Et donc, cela nous montre, chers frères, l'importance de l'étude du Coran pendant ce mois, pendant les nuits de Ramadan. Et certes, on l'a dit plusieurs fois, on l'a répété, le fait de lire le Coran et d'étudier le Coran, cela n'est pas spécifique au mois de Ramadan. Mais encore une fois, nous devons augmenter, accroître cela pendant le mois de Ramadan. Mais pendant les autres mois aussi, nous devons lire le Coran. Pendant les autres mois aussi, nous devons lire le Coran et méditer sur celui-ci. قال بعض العلماء إن هذا الكلام يدل على أن قراءة القرآن خير العمل في ليالي رمضان لأنه لو كان هناك أفضل منه لفعله. Certains savants, ils ont cité que cette parole d'Ibn Abbas رضي الله عنهما, le fait que Jibril venait chaque nuit réciter le Coran, donc enseigner le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan, cela montre que l'étude du Coran est la meilleure œuvre à faire pendant les nuits de Ramadan. Pourquoi? Parce que s'il y avait meilleur que cela, alors Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'aurait fait. S'il y avait meilleur que cela, Jibril et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous cite le deuxième hadith. Il nous dit: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. Et donc il nous dit, selon عائشة رضي الله عنها qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les 10 dernières nuits commençaient, alors il faisait, donc il veillait les nuits. Il veillait durant les nuits, il réveillait sa famille et serrait son izar. Muttafaqun alayhi. Muttafaqun alayhi. Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. فهذا الحديث الثاني أيها الإخوة فيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. Il y a dans ce deuxième hadith que l'auteur nous cite la situation du prophète صلى الله عليه وسلم durant les 10 dernières nuits de Ramadan. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليلة. Le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsque les 10 dernières nuits commençaient, il veillait la nuit. أي استغلق استغرقه بالسهر في الصلاة والقراءة والذكر. C'est-à-dire qu'il veillait toute la nuit en prière, en lecture et en faisant le rappel, en faisant dhikr. Et donc il ne dormait pas sallallahu alayhi wa sallam pendant les 10 dernières nuits. وقد مضت العشر الأول أيها الإخوة فاستعدوا. Et donc, et certes, les 10 premières nuits du Ramadan sont déjà passées, oh chers frères. Cette année, donc les 10 premières nuits sont déjà passées. Les 10 dernières arrivent très rapidement, nous devons donc nous préparer pour ce moment très important, les 10 dernières nuits de Ramadan, et faire tous les efforts possibles, donc pendant ces nuits, pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله. Le prophète صلى الله عليه وسلم réveillait sa famille pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. وليس هذا للعب والعبث. Et cela n'était pas pour rigoler, pour jouer ou pour faire des actes futiles. وإنما هو للعبادة. Mais cependant pour adorer Allah. هذا الوقت وقت عبادة. Ce moment est le moment d'adorer Allah, ce moment d'adoration. أما شده المئزر فقيل إنه تأهب كاملا للعبادة. En fait, et aussi le fait qu'il serrait son izar, il fut dit qu'il s'adonnait pleinement à l'adoration pendant ces 10 dernières nuits. وقيل إن المعنى أنه كان يجتنب النساء. Et il fut dit que la signification est que durant les 10 dernières nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissait ses épouses. Il délaissait les femmes et donc n'allait pas copuler avec ses épouses, mais s'adonnait à l'adoration. Dans tous les cas, cela nous montre, ayou el ikhwa, l'importance des œuvres pieuses pendant ces 10 dernières nuits de Ramadan. Fa'alina an nasta'idda min al-an. Nous devons nous préparer dès maintenant pour être prêts pour ce moment. Comme on l'a cité précédemment, la nuit du destin. La nuit du destin, durant lesquelles les œuvres, les récompenses sont meilleures que 1000 mois. Allons-nous laisser passer cela? Est-ce que tu vas laisser tes désirs, tes passions t'empêcher de ce bien? Efforce-toi, oh Abdullah. Prépare-toi correctement pour ces 10 dernières nuits. On va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une science profitable et de nous permettre à tous de profiter pleinement de ce mois béni et de ces 10 dernières nuits de Ramadan. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.